Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Alors on va faire un petit hors-série sur ce qui a donné en fait à la France l'envie de consommer beaucoup d'antidépresseurs et toutes ces choses-là, hein, somnifères et tout. On va parler un petit peu des dessins animés de notre enfance, mais des dessins animés angoissants et des émissions angoissantes de notre enfance, qui n'étaient pas forcément prévues pour être angoissantes, mais qui en tout cas, dans certaines têtes, en tout cas des personnes de nos âges, ont pu laisser un souvenir quelque peu perturbateur. Traumatisant, on va dire. Traumatisant dans certains trucs. Ouais, puis moi, j'en ai aussi abordé aussi les personnages, pas vraiment peut-être les séries qui sont traumatisantes, mais les personnages qui inspirent un peu la peur chez l'enfant, quoi. Moi, il y a certains personnages ou certaines situations qui m'ont un peu... façonner un peu mon goût pour le film d'horreur, quoi, finalement. Voilà, donc est-ce que tu veux bien commencer avec ta petite liste ? Bah, moi, dans ma petite liste, j'avais beaucoup de trucs donc, qui passaient au Club d'eau et dans d'autres chaînes. Donc, on avait surtout Téléchat. Moi, c'est le premier truc, hein, on me dit, un truc flippant de ta jeunesse. Voilà, directement, je pense à Téléchat, hein, avec des personnages possédés. Enfin, voilà, j'ai l'impression de regarder un culte sataniste. L'exorciste, quoi. Ouais. Ah, ouais, les personnages maudits dont on a décollé la gueule pour le coller sur des objets. Ouais. Ça me faisait flipper. Donc, Téléchat, c'était créé par des Belges, hein, donc ils sont un peu barrés en Belgique. Voisin belge, désolé, on voulait pas vous embêter, mais c'était quand même assez perturbant dans les émissions. Dans Téléchat, on avait notamment... le singe pub, là, ça va, qui était rigolo. Après, le légumane, un légume psychotique qui charge de défendre on ne sait pas trop quoi. Mmh. Et surtout, Groucha, Lola, là, que ça passait. Mais alors, des objets comme une fourchette animée, un fer à repasser avec une tête collée dessus, qui me donnait envie de faire des cauchemars, un téléphone qui parlait comme ça, Groucha, et puis... C'est pour toi, Groucha. Puis même des émissions avec les gluons du placard. Ouais. Puis tout une séquence d'objets que, quand j'étais petit, je me souviens, je me demandais si... Et je n'osais pas rester tout seul, je me dis toujours, il y a des gluons qui m'observent, etc. Donc voilà, premier truc auquel je pense, moi, ouais, forcément, Téléchat. T'as oublié de parler du fer à passer à ta visage humaine, quoi. Voilà, maître du rameau, c'est noté, c'est noté. Allez, le fer à repasser, moi. J'en ai fait des cauchemars avec ce truc. Parce que tu sais, ils étaient des trucs en plastique, mais la tête, elle bougeait, quoi. C'est ça, c'était bien animé, finalement. Ah, c'était bien animé, mais de quoi faire des cauchemars aux gens de mon âge, hein, c'est-à-dire la quarantaine. Encore maintenant, t'as des cauchemars. Quand je regarde un épisode de Téléchat, il y a des trucs, c'est vrai que j'arrive à voir au second degré. Mais quand je vois Duramou ou les autres, hein, ou le téléphone, ou Micmac avec son oreille qui dépasse du micro, j'ai toujours un certain malaise à regarder ce genre de choses. J'ai l'impression de regarder un préquel de Freddy Krueger ou The Thing. Pour moi, Téléchat, c'était une émission que je regardais comme ça, mais j'avais pas été aussi impressionné que toi par les personnages. C'était des bouts de plastique qui étaient animés, c'était sympa, c'était gentil. Mais j'ai toujours regardé cet aspect, fantastique, quoi, l'aspect cartoon, pour moi, quelque part. C'est-à-dire qu'on a une galerie de personnages qui étaient un petit peu... Moi, Légumane, c'était vraiment débile, hein, des fois, mais... Alors, ce qu'il faut savoir sur Légumane, par exemple, c'est que c'était tourné par des enfants. Donc, ça se voit que c'est des enfants, en fait, qui tournent. Mais je trouvais ça vachement au second degré à l'époque. Fallait le regarder au second degré. Mais à l'époque, moi, quand je l'ai regardé, j'avais pas de second degré. J'étais beaucoup trop petit pour avoir du second degré. Et c'est quelque chose qui me faisait vraiment flipper. Pub, ça va. J'avais compris que c'était humoristique. Puis après, non, moi, je me suis dit, cette histoire de gluons et de fourchettes hantées. Enfin, c'est pas hanté, hein, mais je veux dire, les fourchettes qui parlent, les cuillères, le service à vaisselle complet qui parle avec ses têtes. Flippante, quoi, les têtes dessinées dessus, et puis je me demandais ce que ça vous foutait dans un programme jeunesse. Ouais, en fait, il y avait une imagerie de film d'horreur quelque part, parce que moi je me souviens du téléphone de Freddy par exemple, où à un moment il y a une langue qui sort du téléphone de Freddy dans une scène, comme tu parlais du téléphone avec la tête humaine, parce que toi, tout ce qui te dérange dans le design, c'est que en fait elles ont forme humaine, c'est cuillère, c'est fer à passer, donc c'est ça que tu dis, ouais, c'est possédé quelque part, quoi. Puis forme humaine glauque, hein, une forme humaine bien sympathique, bien bonhomme, hein, comme on pourrait voir dans Mademoiselle Pepper Potts ou des trucs comme ça, donc des dessins animés encore plus vieux. Là, franchement, la forme humaine, on dirait, ils ont raté un culte sataniste et ils sont bloqués sur Terre, les âmes, quoi. Ça m'a forgé, je pense, une petite phobie de film d'horreur par rapport à toi qui disais que ça t'avait un petit peu attiré vers ce domaine. Pas vraiment, mais c'est vrai que j'avais très peur de tout ce qui est film d'horreur, film fantastique avant. Et puis maintenant, je bouffe plus que ça en fait, que des films de terreur, pas des films gore forcément parce que j'aime pas trop ce qui est saignant, je trouve que c'est ça n'a aucun sens. Voilà, exactement. Il y a le gore, du sang et des boyaux pour faire du sang et des boyaux, comme Machete. Hein. Ouais. C'est du gore, ça. Ouais. Ou Evil Dead, hein, c'est du gore. Mais après, t'as des bons films d'horreur. Moi, je pourrais même mettre, tu vois, par exemple, Les Dents de la Mer dans un film d'horreur parce que t'es tellement oppressé pendant le film que t'en attrapes de la tachycardie, quoi. Donc, tu vois, des bons films d'horreur où t'en vois pas forcément, mais qui te mettent dans une ambiance malsaine. Ouais. Et pour moi, Téléchat me mettait dans une ambiance malsaine. Je te jure, il y a des passages, je me demande, c'est The Thing, ce truc, en fait. Quand je vois les personnages animés, moitié humain, moitié Ferrare passer, moitié fourchette, couteau, cuillère. Je te jure, moi, quand j'ai vu The Thing, ça m'a fait penser à Téléchat à certains moments, quoi. Ouais, c'est parce qu'il y a cette difformité et que, bon, heureusement qu'il n'y a pas trop tant de tacules non plus, parce que, on s'en vendrait quoi. Mais moi, j'ai jamais eu cette impression de oxygène, tu vois, dans cette émission. Je la regardais parce qu'elle passait, et puis certainement que j'attendais après une émission derrière, parce que c'était ma spécialité, c'est de regarder tout ce qu'il y avait avant, mais en me faisant un peu chier, je sais pas si c'était vraiment vocation à faire peur, parce que si c'est ça, c'est assez réussi, parce que je pense que t'es pas le seul à avoir un peu flippé devant ces fourchettes et ces machins, et finalement c'est culte, hein, maintenant, un peu Téléchat. Téléchat, c'est culte, hein. Ouais. Légumane, c'est devenu culte, ouais. C'est-à-dire que, c'était une parodie dit Super Sentai avant l'heure, hein, tout simplement. Hein. Donc, Légumane, c'est vrai que c'est devenu culte. Avec le temps, j'arrive à regarder des Légumane ou des pubs, et que j'ai toujours cette petite appréhension quand je regarde donc ces personnages hantés, je vais dire du Ramou faire repasser ou une micro ou un téléphone qui est un peu anxiogène. Ouais. Mais voilà. Après, est-ce que ça a été prévu pour être anxiogène? Là, je serais pas le dire. Mais quel intérêt aussi J'espère pas que c'était prévu là-dessus. D'après ce que j'en ai lu sur Wikipédia, c'était une satire des journaux télévisés de l'époque. Bon, je suis désolé, hein, quand t'as une dizaine d'années, t'en as rien à branler des satires des télévisions, quoi. T'es là pour te détendre. Ans, ouais, quand t'as 10 ans, t'as pas le même esprit qu'à 40 ans. C'est vraiment l'aspect créatif et divertissant qui doit ressortir dans cette émission. Après, au niveau créatif, divertissement... personnellement, c'était assez creux à ce niveau-là, quoi. C'est toujours des sujets, un mélange entre Freddy Krueger et les guignols de l'info, quoi. C'est un sujet malsain, anxiogène. Et... Le pire, c'est que moi, j'arrivais quand même à zapper quand j'avais Téléchat, mais il y avait des moments où j'arrivais à rester bloqué devant. Et il y a eu d'autres séries, par contre, qui étaient bien anxiogènes et que là, j'arrivais à rester devant. Et dans Téléchat, je me souviens qu'à un moment, le Groucho était remplacé par une espèce de lapin. Là. Oui, GTI, qui était censé faire le paradoxe avec Patrick Poivre d'Arvor. Ouais. C'était Gontran de la Tour d'Ivoire, je crois, lapin GTI, mais je suis pas sûr de moi. C'était moins réussi, je trouve. C'était moins drôle. Groucha, il avait un plâtre où il sortait plein d'objets, donc c'était assez rigolo. Voilà, puis il y avait un bon duo comique avec Lola, mais il voulait faire une satire comme quoi à la télé, tu peux être débarqué sur demande, quoi. Je sais pas, comme je vais me répéter, hein. Mais à l'âge de 10 ans, j'en ai rien à foutre que tel journaliste télé, il a été débarqué d'une autre chaîne, quoi. Voilà, c'est ce que je veux, c'est m'amuser, me détendre. Alors, en ce temps-là, c'était Imourouzi et Marie-Laure Augry, tu vois, par exemple. Ouais, qui avait été remplacé par Patrick Poivre d'Arvor. Ouais, c'est ça, en ce temps-là, mais c'est vrai que l'aspect médiatique, moi, ça m'avait complètement passé à côté, quoi. Alors, après, est-ce que c'est une émission, il dit que c'était pour la jeunesse, mais je suis pas sûr que les créateurs avaient créé ça pour la jeunesse, parce que il y avait quand même des sujets légers, hein, y a pas de souci, mais il y avait quand même des. Je te dis, comme le débarquement des personnes télé, etc., on avait l'impression d'une vendetta personnelle à certains moments de la part des producteurs. Ah ouais, Téléchat, programme anxiogène, moi c'est le programme qui me vient par exemple. C'est le numéro 1 du top. Ah, chez moi en tout cas, c'est le truc qu'on me dit anxiogène quand t'étais jeune, je pense à Téléchat. Téléchat direct. Et en deuxième, je pense qu'on va être d'accord aussi. On a Ulysse 31. Alors, on va porter un grand morceau, parce que Ulysse 31, c'est vrai que dans le genre dessin animé bien flippant, on est en plein dans le thème. Et est-ce que tu veux commencer, quoi, pour... Moi, je voudrais faire, tu vois, une petite transition. Téléchat, c'était le visuel qui était flippant, mais de chez flippant. Ouais. Parce que la musique était bien. Hein. Il n'y en a qu'une télé, était sympa, c'est Téléchat. Le générique était sympa. C'est entraînant. C'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Salut. Par contre, Ulysse 31, c'était anxiogène dans la musique, dans les faits, dans le tout ce qui était raconté, c'est-à-dire l'Odyssée d'Ulysse. C'est l'Odyssée d'Homère, C'était anxiogène, mais fascinant. Alors, faut rappeler qu'Ulysse 31, il n'y a que 26 épisodes, Et que surtout, c'est une production qui était très très rare à l'époque, c'est-à-dire que les Européens, surtout les Français, parce que c'est une production FR3, c'était allié avec les meilleurs mangaka de l'époque, pour faire une production, japono-française, sino, c'est pas chinoise, sino c'est chinois, on va dire dire nippon. Franco-japonaise. Nippon. Franco-nippon. Ouais. Donc, comme tu disais, ouais, c'est une association entre la France, donc qui était incarnée par Jean Chalopin, qui est une figure qui est bien connue, vu qu'il a créé la société Dick, qui elle-même a produit des animés comme Mask ou Jace, les Conquérants de la Lumière. Les Conquérants de la Lumière, c'est le premier. Il y avait d'autres dessins animés. Il y a comme Inspecteur Gadget, je crois aussi. Ben, ça se pourrait, hein, c'est dans la même ambiance. Enfin, bref, Chalopin est quand même une figure de l'animation à la française, même si bon, il a fait un peu sous-traiter en Japon et aux États-Unis quelque part. Mais Ulysse 31, c'est vraiment le chef-d'œuvre pour moi de l'animation, d'une certaine animation de Space Opera. Parce que on a quoi? On a Ulysse et Télémaque et Thémis et le robot Nono qui s'aventurent à travers l'Olympe. Donc déjà, on a une première angoisse, c'est d'arriver dans l'inconnu, parce que c'est vraiment l'univers complètement inconnu. Il est poursuivi par les dieux. Déjà, le premier épisode est super anxiogène, avec ses cyclopes, avec une espèce d'œil en forme de joyau, et une espèce de gros monstre, un peu à moitié cyborg, qui sortait de la Terre pour. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est banni de l'univers de l'univers classique, et qu'il est emprisonné dans l'Olympe, et qu'il doit traverser les épreuves. Et Dieu sait qu'il y a certaines épreuves qui sont vraiment à se prendre les pieds et à courir le 100 mètres, parce que c'est oppressant, quoi. Et il y avait de tout, hein. Il y avait de l'action, il y avait de l'oppressant, il y avait du psychologique, il y avait vraiment de tout. Il y avait une très bonne matière, hein. Faut dire que l'Odyssée d'Ulysse, voilà, c'est une bonne partie de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, hein. Ça, c'est vraiment, enfin, faut connaître la mythologie, faut connaître l'œuvre d'Homère, mais pas d'Homère Simpson, hein, rien à voir. Mais sinon, si vous connaissez pas, moi, je peux vous inviter à le lire, hein. Ça a pas trop mal vieilli, alors que ça a quand même, bientôt 2 millénaires, hein. Et là, dans l'univers d'Ulysse, ce que les Japonais sont très forts, hein, pour là-dessus, se réapproprier un domaine pour faire un parallèle avec ce qui arrive dans la vie courante. Notamment, moi je pense à cet épisode, le supplice de Tantale. Ouais, il était fantastique cet épisode, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une planète où le mec il fait du recyclage d'ordures, tu sais, qui tombe d'une falaise. Ah, c'est le mythe de Sisyphe. Ouais, Sisyphe, ouais. Alors, je pensais que c'était le supplice de Tantale. Non, Tantale, c'est quand il se fait bouffer le foie, alors. Ouais, mais c'est pas dans l'Ulysse. Enfin, c'est Sisyphe, quoi. Alors, et en fait, voilà, donc il est condamné à perpétuer, à refaire ça, et il se rend compte, parce qu'ils arrivent jusqu'à la machine qui fait ça, et puis le mec, il accepte sa destinée, et puis il continue à broyer des machins jusqu'à la fin de ses jours, parce que, en fait, les dieux enlèvent cet univers-là et pour le mettre dans un autre univers, tu vois. Donc t'es à la fois, tu te dis, voilà, Ulysse, il va le sauver, etc. Et puis là, tu te rends compte que il y a des choses beaucoup plus puissantes que nous et que ça, c'est sa destinée, il coupera pas, tu vois. Et c'était super anxiogène, parce qu'il n'y avait pas forcément des happy end à chaque épisode. Non, c'est clair. Il y avait souvent des morts où Ulysse rencontre pas vraiment le bonheur, quoi. Il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment terrifiants. Moi, je pense au marais des doubles, par exemple, avec les espèces de marais qui copient, qui font des clones, avec les jeux qui clignotent. Et il y a aussi le fauteuil de l'oubli, par exemple, avec l'histoire de fil de la vie, même le dernier épisode, le Royaume d'Hadès, j'aime bien cet épisode parce que on découvre un enfer un peu technologique et il y a tous les éléments de l'enfer avec le Cerbère, et on croit que Ulysse, enfin juste pour Ulysse, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu, mais on croit que Ulysse va terminer, il dit non, je les abandonnerai jamais, et puis finalement les dieux décident de le libérer, ils font acte de bonté parce qu'il a traversé toutes les épreuves. Et la moralité est oppressante d'ailleurs, cet épisode, parce que Ulysse a traversé toutes les épreuves, mais il dépend encore de la bonne volonté des dieux, c'est-à-dire que les dieux libère par leur bonne volonté. Il y peut rien, tu vois, il échappe à sa destinée, et tout ce qu'il a fait, ça a servi à rien, parce que c'est les dieux qui ont décidé que, c'est bon, t'as payé ta dette, entre guillemets, tu peux y aller. Ouais. Mais il peut rien, tu vois, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui attrape le pouvoir de pouvoir sortir de sa situation. Même jusqu'à l'épisode final, il dépend du bon vouloir des dieux. Ouais, il est pas maître de son destin, en fait. C'est un peu comme la partie de Flipper, par exemple, avec Éole. Je sais pas si tu te souviens, avec les cavaliers, les parties d'échecs, les cavaliers d'échecs et tout, où il y a beaucoup d'action, où il y a une musique qui est quand même assez entraînant. Des fois, il doit compter sur la chance, il peut compter aussi sur ses enfants qui sont un peu débrouillards. Il y a Nono aussi qui intervient. Bon, et puis il y a Shirko, l'ordinateur. Ah, l'ordinateur dépressif. Je vous mettrai une petite voix de Shirko. Ulysse, je perds le contrôle. Nous tombons. Nous perdons de l'énergie. L'iris s'éteint. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, quand on entend cette voix-là, ouais, on se dit, prends tes Xanax, cher K. Tu n'as pas l'air d'aller très bien, cher K. Et puis la musique aussi de fond. Ouais, on va parler, on va parler de la musique, du fond sonore, quoi, qui est signé Danny Egan, si je me souviens bien. Bah, je vais vous mettre un petit morceau du fond sonore pour vous rendre bien compte. Ouais. vous avez vu, c'est quand même très prenant, quoi. C'est angoissant. Hein. On a ce fond sonore qui arrive. Ça, c'est le thème de l'Olympe que tu mets, là. Ouais, j'ai mis. Mais voilà. C'est... Et puis, c'est... je veux dire, t'entends ça, tu sais que ça va pas bien se passer, quoi. Non, non, c'est clair que quand il arrive dans une espèce de région, parce qu'il a plusieurs galaxies, je me souviens notamment de l'épisode Carrie Decilla, où en fait, il est prisonnier d'une espèce de boucle et il passe d'un univers froid à un univers chaud. Il y a des espèces de créatures un peu démoniaques qui essaient de l'attraper. C'était un super épisode. D'ailleurs, ça fait un peu référence à Terminator parce que dans cet épisode, il trouve une espèce d'humanoïde et en fait, l'humanoïde se libère et puis il arrache sa peau et c'est une espèce de robot, quoi. Mais c'était super effrayant cet épisode. Mais ouais, si on revient sur la musique, quand il arrive dans une contrée, il y a une espèce de truc. Enfin, c'est très glauque, ça met mal à l'aise, quoi, directement. C'est malsain et tu, rien qu'à la musique, tu sens qu'il va en chier des Romains, quoi. C'est-à-dire à la musique, tu te dis, bon, bah, là, il est mal. Mais franchement, le fond sonore respecte bien les situations à chaque fois. Par exemple, quand il y a des scènes de combat avec les tridents, la musique est quand même bien. Il y a les guitares électriques, c'est rythmé, etc. Ouais. Et puis quand les dieux le chassent et que t'as cette musique oppressante, ou quand ils découvrent un nouveau monde et que t'as une musique encore plus glauque, franchement, niveau sonore, c'est grandiose. Mais là, par contre, c'est quelque chose qui, quand t'as une maturité un peu plus, quand t'as vieilli, hein, tout simplement, c'est quelque chose, franchement, que tu trouves super transcendant. Et pourtant, quand j'étais enfant, ça me faisait flipper. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques plans, des arrière-plans qui sont un peu effrayants, quoi. Je pense à notamment cette espèce de plan où on voit justement il y a une zone noire qui est enroulée d'étoiles et puis tout d'un coup tu vois des yeux qui se forment dans le alors le visage de Zeus aussi, des trucs comme ça. C'était bien au niveau symbolique. C'était, enfin, je veux dire, t'as l'impression de voir carrément une galaxie et c'est un dieu, quoi. Donc, et puis faut quand même souligner que la voix de Jean Topard qui double Zeus, ça fait beaucoup, quoi. Jean Topard, on s'en rappelle aussi qu'il avait commenté les documentaires de Mystérieuse Cité d'Or, mais là il a son paroxysme au niveau de l'angoisse, quoi. Dans son ton, dans sa façon de parler, c'est lui Zeus, en plus il met des effets d'écho, donc c'est encore plus terrible, quoi. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu, jusqu'au royaume d'Hadès. D'ailleurs, Jean Topard qui avait aussi fait la voix du narrateur dans Rémi sans famille. Donc, Rémi sans famille, on est en plein dans l'anxiogène aussi. Alors, je sais pas si on a fini avec Ulysse. Pas si tu veux encore rajouter quelques mots. Pour moi, on a fait un bon gros tour sur Ulysse. Et donc, on va rebondir sur ce monsieur Topard qui a fait la voix de Rémi sans famille, qui passe ça avant d'aller à l'école. C'est bien, t'as pas du tout envie de te tuer sur la route. Donc, Rémi sans famille. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans Rémi sans famille, c'est que quand j'ai fait découvrir ça à mes parents, ça et à Heidi, qui m'ont dit, ça au moins, c'est du bon dessin animé, c'est pas du manga. Quand je leur ai vu les réalisateurs qui étaient japonais, ils sont bien tombés de haut, donc j'étais content. Parce qu'en fait, c'est deux mangas, Rémi sans famille, Heidi, tous les trucs comme ça, c'est des mangas. Et c'est vrai que Rémi sans famille, donc ça se passe en Europe, c'est oppressant. Et puis donc un petit gamin qui a été vendu par son père parce qu'il avait plus de quoi boire, qui part en forêt, son chien se fait bouffer par des loups. Super, là, ça te met l'ambiance directe, quoi. Donc il vit dans la rue, il fait des petits spectacles au petit bonheur la chance avec son singe et son ami Vitalis. Le singe, il finit par claquer de froid, puis t'as le narrateur qui te raconte l'histoire. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. C'est la mort calme et paisible d'un homme remarquable dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant qu'il est. Et je vais me tuer. Je vais prendre un pistolet, bang, dans ma tête. Et encore une fois, donc la voix de Topard fait toute la différence au niveau des effets scénaristiques, parce que, je veux dire, la voix off, elle te fait déprimer à mort, quoi. C'est-à-dire que ce pauvre garçon, il lui arrive que des merdes, quand même. Son chien se fait bouffer par des loups. Quelques épisodes après, son singe meurt de froid dans la neige. Quelques épisodes après, Vitalis, son seul ami, meurt dans la neige de fatigue. Paye ton bonheur, hein. Super. Allez, à l'école, les enfants, c'est bon, c'est parti. Faut se rappeler que c'est un roman classique, hein. Je crois que c'est Hector Ballot qui avait écrit ça. Et il y avait un beau générique, hein. Sinon il était très gay, tout ça. C'est ça. En plus, on nous vendait un générique super gay. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Et puis après, il est mort dans la neige. Et puis la fin, c'est on t'arrête sur une espèce de d'image fixe, mais d'une obscurité. C'est sombre, c'est oppressant, quoi. Le dernier plan est toujours oppressant dans cette série. Attends, je fouille ma mémoire. Je me souviens pas d'avoir vu des plans plans joyeux en dernier dans la série. Vrai. Mais comment que ça se termine? Tu t'en souviens de cette série? Je sais même pas la fin, parce que c'est une série qui est-ce me collait... Est-ce qu'il retrouve sa mère comme... C'est un truc qui me collait tellement le cafard que j'ai pas pu regarder entièrement. Je sais pas du tout comment ça se termine. Bon, bah c'est comme Heidi, hein, c'est un peu pareil. Hein. Heidi, c'était quand même plus joyeux, hein, je suis désolé. Bon, il y avait quand même des passages un peu plus glauques, mais Heidi, c'était quand même plus joyeux. Hein. Là, Rémi sans famille, ça passait le matin, je me répète, hein, avant d'aller à l'école, moi j'essayais de zapper sur autre chose, parce que j'allais passer une mauvaise journée si j'avais regardé un épisode. Moi, j'ai pas un mauvais souvenir, parce que les graphismes étaient vraiment beaux, il y avait une animation qui était assez réussie, mais c'est vrai, le côté sombre de l'histoire, le gamin, genre Cosette, quoi, il va arriver tous les malheurs du monde, c'était un peu, Les Misérables, quoi, quelque part, et j'ai toujours souvenir de ce gamin qui était très gentil et tout, il y a pas une histoire de petit handicapé à un moment même Je serais pas sûr, je dirais que oui, au niveau sur une péniche ou un truc dans le genre, je suis pas sûr de moi. Puis finalement, je sais même pas si à la fin il retrouve sa mère, enfin, je regarde la série complète, mais pour moi, ça reste un beau dessin animé, quoi, quand même. Bah, au niveau graphique, c'était beau. Mais je te dis juste que moi, il était super anxiogène. C'est-à-dire que je sais pas si c'était prévu pour filer la cerise au gosse, mais c'est bien réussi. Hein. Moi, j'ai quand même passé des mauvais moments à regarder ça. Juste parce que, quand à chaque fois qu'il se passait quelque chose de bien dans la série, moi, je suis 10 minutes après, tu te prenais un grand coup dans la gueule et puis il se passait un drame. Hein. Le chien qui se fait bouffer, le mec qui meurt dans le froid, le singe qui claque à cause du froid aussi. Oui, d'accord, ok. Donc le truc, c'est pas qu'il faisait peur, hein, c'est que t'étais triste quand tu regardais ça. C'est-à-dire que tu perdais un peu ta foi en l'humanité quand tu regardais ça. Peut-être. Après, est-ce que t'as d'autres choses à te dire sur Rémi sans famille, ça rejoint la lignée de quasiment tous les mangas un peu de l'époque que j'ai vu. On va partir, peut-être parler de Gigi, c'est un manga très joyeux. On va parler des personnages animés, là. Ouais, parler des personnages animés. On a par exemple Gigi, c'est un personnage très joyeux, hein. Vous connaissez tous Gigi. Et c'était super joyeux, hein, c'est-à-dire qu'elle était là pour aider les gens, etc. Donc ça, c'était joyeux, il n'y a pas de problème. Il n'y a que le dernier épisode. Je me suis demandé pourquoi on n'a jamais eu le dernier épisode en France. Jusqu'au jour où je l'ai regardé en VO, le dernier épisode. Ah ouais. Et elle meurt écrasée par un camion. Attention, gros spoiler. Hein. De toute façon, vous ne le trouverez pas en VF. Hein. Ouais. Ça n'existe pas en VF. Et donc, les Japonais, quand je regarde Gigi, ils font mourir leur personnage principal qui est super joyeux et qui est plein d'entraide. Elle se fait écraser comme une merde par un camion de jouets. Un camion de jouets en plus. Ouais, et après, c'est le générique de fin. Et tu vois les parents en train de prier devant sa tombe. Alors, je sais pas, faudrait que j'arrive à regarder les statistiques japonaises de consommation d'antidépresseurs. Ils ont quand même un rapport assez particulier avec la mort. Hein, ils ont un rapport très particulier avec la mort. C'est comme Princesse Sarah aussi. Hein. Ouais. Ton père est mort. Paye ta jeunesse. C'est sec, quoi. Un peu comme Clémentine aussi, que bon, des fois... Je l'ai pas vu, Clémentine, mais je me souviens de cette espèce de bestiole qui sort de l'enfer, là. Ouais, le truc en flamme, là. J'aurais dit Behemoth, mais je suis pas sûr. Puis, et bonjour les dialogues, hein. Non, je ne vais pas te faire mourir. Je vais m'occuper de toi, personnellement, avec cette voix démoniaque, avec de l'écho et tout. Ça. Et puis, qu'elle est handicapée, quoi. Donc, elle s'évade dans ses rêves. Donc ça va, c'est quand même assez joyeux, les épisodes. Bon, ça reprenait, tu sais, je sais pas, moi, Hansel et Gretel, certains contes, etc. Mais quand tu la voyais dans son lit, qu'elle revenait dans sa bulle, et puis qu'elle était dans son lit, qui était toujours handicapée. Ça va, non, c'est bien. Je vais reprendre un Xanax ou deux et je vais aller à l'école. C'était des trucs qui étaient pas faits pour être anxiogènes, mais qui, personnellement, me collaient quelques malaises. Moi, j'ai envie de parler de quelques personnages. La série en elle-même n'est pas anxiogène, par contre, je trouvais que les personnages, ils étaient leur allure, leur le physique ou leur mentalité. Pour moi, c'était ça faisait un peu partie du folklore, quoi. Alors, je pense notamment à Albator, quoi, avec les sylvidres, parce que ces femmes plantes, pour moi, elles faisaient peur. Elles avaient un regard qui était vide, assez cruel. Et face à Albator, c'est la version de 78, hein, les sylvidres. Donc moi, ces personnages, en plus, elles mouraient, apparemment, elles fondaient, je sais pas ce que. Je sais pas, elle se désintégrait en hurlant. C'est ça, ça faisait bizarre, quoi. Le cri, ça faisait... Ouais, le cri hurlant. Le cri bizarre, de vous mettre le cri, si je le trouve. Ouais. Mais voilà, ce cri... Ça faisait flipper, c'était morbide hein, comme film. Albator, c'était assez sombre hein, comme série. Pas pour Albator, ouais, pour Tom Sawyer, moi j'avais Joe l'Indien, je sais pas si t'as vu, Tom Sawyer, Joe l'Indien, c'était une espèce de tueur qui avait assassiné un docteur, et il avait accusé un de ses potes, et à chaque fois qu'on le voyait, ben, il y avait une musique particulière, et il portait un chapeau qui faisait un petit peu, qui a de l'ombre à ses yeux, et ses yeux ils étaient cruels, et ce personnage était très impressionnant, moi je trouve. Il y avait vraiment une aura terrifiante autour de lui. Je sais pas si t'as la limite de l'aura maléfique. Hein. Tu connais le Joe l'Indien? Joe l'Indien, non, j'en ai très peu souvenir, parce que moi, Tom Sawyer, c'est pas quelque chose qui me branchait. Donc c'est vrai que du coup, bah, je zappais un petit peu. Hein. À l'époque, on zappait. Hein, ouais, c'est ça. On passait pas d'une série à l'autre sur Netflix. Hein. Fallait se farcir les pubs entre deux, donc on zappait beaucoup. Et moi, Goldorak, disons que je me suis habitué. Mais à l'épisode 2, il y a un nouveau personnage qui est apparu à côté d'Hidargos. D'ailleurs, c'est le seul épisode où il balance des rayons laser, parce qu'après, tu le verras plus balancer des rayons laser. C'était Minos. Et quand la première fois, cette tête, elle s'est ouverte et qu'il y avait une espèce de sorcière qui est sortie, ça m'a fait un effet un peu bizarre parce que c'était tout nouveau pour moi. C'est une tête. En plus, le Minos a une tendance à ressembler à la créature de Frankenstein, alors qu'Hidargos, c'était plutôt Nosferatu. C'était pour faire des allégories. Toi, Minos, qu'est-ce que t'en penses de ce personnage? Non, moi, ça me choquait pas plus que ça, que sa tête s'ouvre et qu'il y a un autre personnage qui sort. Ouais. Non, moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand il colle un coup de poignard à ce personnage qui sort et que t'as sa gueule en sang. Oui, c'est ça, il s'était sanglant. T'avais Minos et Minas, quoi. Ouais. Minos et Minas, ouais. Là, ça m'avait déjà un peu plus perturbé. C'est vrai qu'il y avait, je crois que c'était l'une des seules fois où il y avait une goutte de sang d'ailleurs dans cette série. Mais donc Goldorak, série culte, bien sûr, incontournable des années 78. Pour moi, j'ai passé tous les personnages. Ah, il y a Cobra aussi. On en a parlé justement. C'est l'homme de verre qui faisait assez peur d'ailleurs. Et je trouvais que Salamandar aussi, quelque part, avec son grand casque. Ouais, moi, surtout Salamandar, pas trop. Hein. Je m'en rappelle pas trop qui m'est foutu les chocottes. Mais par contre, l'homme de verre, ouais, je sais pas, c'était le climat à chaque fois qu'il l'affrontait, et le fait que il était increvable ce mec, quoi. Ouais, donc, puis avec sa grosse pince, avec sa grosse pince là, ouais. Puis quand il tirait dedans, ça passe à travers, ou ouais, puis c'était, puis voilà, le personnage il était plutôt ambigu quand même, c'est à dire que il avait quand même eu l'occasion de terrasser Cobra et puis il laissait plus ou moins pas tranquille, mais s'en sortir, et puis pour venir plus fort encore, quoi, c'est à dire que ouais, l'homme de verre me faisait flipper, puis il avait un look bizarre, quoi, il paraissait fragile et indestructible, donc ouais, l'antagonisme de ce côté-là, ça m'a quand même d'ailleurs perturbé. D'ailleurs, il a beaucoup de mal à l'avoir. Je sais pas si tu te souviens, mais il le tue de deux façons, parce qu'il y a Cobra le film aussi avec une longue série, et il le tue de deux façons. Et il y en a une où en fait le bras rentre dans le verre parce qu'il peut pas l'atteindre avec le rayon laser, donc il sert de son bras artificiel pour justement lui percer le thorax. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle scène de duel. Mais bon, Cobra en général, on y reviendra parce qu'il faudra faire un spécial Cobra. Et j'attends le film d'ailleurs qui doit être produit par Alexandre Aja, parce que celui-là, c'est un projet qui dure depuis trop longtemps. Pour terminer dans les personnages un peu terrifiants, j'ai mis aussi la suprême clarté de la bataille des planètes. En fait, c'est Zoltar qui... Il y a le méchant Zoltar avec la force G, et il y a une espèce de flamme avec des yeux, et c'est lui en fait la suprême clarté. Mais lui, il fait pas peur par son aspect, il fait peur parce qu'on sait pas qui c'est, il y a même tout un mystère autour, il y a un noir de mystère autour de ce personnage en fait. Donc la bataille des planètes, c'est la force G, ils sont à 5 personnages qui ont un peu des pouvoirs, je pense que c'est des gens qui sont génétiquement modifiés, et il y a le fameux vaisseau, c'est le Phénix, je sais pas, il passait souvent sur TF1, peut-être que tu connais, mais tu l'as peut-être zappé, ça passait un petit peu à peu près en même temps que Capitaine Flamme, tu connais quand même? Ah oui, Flamme, oui, ça me faisait peur quand j'étais petit, mais ça a dû sortir, je devais avoir 5 ans. C'est vrai qu'il y a quelques épisodes de Capitaine Flamme qui étaient bien... Ouais, moi notamment les fameux épisodes de clonage, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il se fait cloner, il fait prendre sa place. Ce qui m'avait fait peur dans Ulysse 31 avec ses trucs de boue, là, qui clonait aussi. Dans Capitaine Flamme, ça m'a fait un peu peur aussi. Et généralement, c'était les séries de science-fiction que je regardais, donc je pourrais pas m'orienter vers d'autres séries. Je pense qu'on a fait le tour et peut-être qu'on va s'attaquer aux séries pures. Non, j'en ai un dernier. Ah, vas-y. Un dernier qui fait flipper de par sa présence, c'est le Dr Matt dans Bioman. Donc le Dr Matt dans Bioman, il me faisait flipper parce que c'était le seul personnage sérieux de la série. C'est-à-dire les autres, les monstres, c'était assez marrant. Hein. C'était des monstres, ils bougeaient, blablabla. Ils faisaient tous des gestes, tu sais, à la japonaise, à la Sankukai. Ouais, hein. C'est ça, ils remuent les bras. Ouais, ils remuent les bras et machin. Que leur costume en caoutchouc. Et puis là, t'avais Matt qui était toujours sérieux, quoi. Toujours, systématiquement sérieux. Il était là, il faisait des plans diaboliques qui échouaient, il se mettait en colère et lui, il croyait plus que les autres. Et lui, il m'avait fait quand même fait flipper en tant que super. super vilains dans le Super Sentai, il y a que ce super vilain là qui m'impressionnait un peu, quoi. Surtout quand à la fin on apprend sa véritable identité, là, c'est encore plus flippant, surtout ses motivations. Et ça, c'est les Japonais, hein. C'est jamais blanc, c'est jamais noir, il y a toujours du gris. Ouais, c'est vrai que moi, je sais pas si c'est Super Sentai, mais il y avait Spectreman, et je trouvais qu'il y avait un aspect un peu malsain, c'est-à-dire que la créature, elle naissait de la pollution, en fait. Et des fois, t'avais des drôles de bestioles, vraiment impressionnantes, bizarres, quoi. Cauchemardesques, même si on savait qu'il y avait on savait que c'était avec un gars en caoutchouc, quoi, style Godzilla, tu vois, et vous pouvez avoir ça aussi dans Sankukai, par exemple, avec le gorille, bon, il faisait peur parce que ses yeux, ils étaient un peu bizarres, quoi, mais... Ouais, il faisait peur parce qu'il perdait son masque, quoi. C'est vrai, on voyait les coutures et tout, mais... il y avait aussi les vilains de Xor, Spectreman, c'était Golem 13, je sais plus, je m'en mêle les pinceaux, en fait. Ah, là, je serais pas, ça remonte à trop longtemps, quoi, je regarde tout. Enfin, bref, il y avait des vilains qui étaient un peu bizarres, des fois, et... Mais ouais, dans ces trucs-là, t'avais des monstres un peu bizarres, même avec l'aspect bon qui traînait par terre, tu vois, ça fait où t'avais des tortues géantes qui volaient, ou tu sais. Mais ça, c'était un petit peu plus kitsch. Non, moi, ce que je voulais parler, c'était une série qui m'avait beaucoup angoissé. C'était les Tripodes. Je sais pas, si tu connais le truc. Mais... J'en ai quelques brides. Moi, j'ai surtout lu le bouquin. Ouais, mais je sais que ça a passé à France 3 de mémoire, enfin FR 3 à l'époque. C'était là, mais bon. Ouais, moi, j'aurais juré que c'était FR 3 parce que ça devait être avant Question pour un champion ou un truc dans le genre. Ah, peut-être. Et en fait, c'était les Tripodes, ça date, hein. Je devais être à l'école, donc ouais, ça date. C'est vieux. Ça date énormément. Ça date de 87, ce truc-là. Et ça me faisait flipper, surtout à un moment, c'était une scène qui m'avait marqué, et qui a fourni matière en néo-évémérisme, hein, c'est-à-dire quand il balance une grenade dans cette espèce de tripode et que t'as une glu verte qui descend. Hein. Ah ouais, ça je l'ai pas vu, mais moi ce qui m'avait marqué, c'est, rappeler un peu le contexte, c'est qu'il y a, ça se déroule en 2089, on est dans une espèce de futur un peu médiéval, quand les jeunes garçons arrivent à l'adolescence, ils doivent passer par un rite qu'on appelle initiation. Et en fait, l'initiation, c'est on grave une espèce de plaque sur le... On trace les cheveux et on graisse une espèce de plaque. Et en fait, tu perds toute individualité. Ça me rappelle un peu les Borg, tu vois, quelque part. Ouais, tu fais partie du collectif, ouais, comme les abeilles. Après. Et donc, tu deviens une espèce d'espion, un peu un légume espion, quoi. Et il y a deux jeunes qui refusent ça. Et puis, eux, ils décident d'aller dans les montagnes blanches, en fait, ce qui sont les Alpes, pour se réfugier, justement, contre ces tripodes qui ressemblent un petit peu au vaisseau de la Guerre des Mondes. Ils voulaient aller parce que c'est une espèce de terre vierge et que les tripodes peuvent pas y aller, quoi. C'est une espèce de zone d'affranchissement, quoi. Et tout le long, ils étaient poursuivis par ces robots, mais ils étaient poursuivis aussi par leurs agents. Donc ça fait que des fois, ils se retrouvaient dans les catacombes. C'est assez pas apocalyptique, hein, comme série. Et il y a un côté un peu kitsch, mais l'ambiance était assez oppressante et on avait vraiment du suspense avec les aventures. Bon, ça a pas duré longtemps, comme tu l'as dit, c'était une adaptation d'une trilogie littéraire. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais accro à cette série, mais j'étais terrifié à l'idée qu'il se fasse attraper et qu'il se fasse greffer la fameuse plaque, quoi. Ouais, tu vois, c'était plus l'empêchement du libre arbitre qui faisait flipper, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que t'avais peur pour eux parce qu'ils étaient en train de se construire en tant qu'hommes alors qu'ils étaient des adolescents. Enfin, en tout cas, moi, d'après le bouquin. Ouais. Et c'est vrai qu'ils fuyaient ça pour entre un refus de grandir et un refus de se soumettre. C'est-à-dire qu'ils voulaient garder leur individualité. Et dans le bouquin, en fait, c'est ça. C'est son frère, il s'entend super bien avec. Son frère attrape 13 ou 14 ans et puis il se fait embarquer, donc puis il revient. Et son frère lui parle plus, c'est-à-dire que c'est devenu un homme maintenant. Donc voilà. Donc c'est pour ça il décide de se sauver pour garder son individualité. Et c'est vrai que la perte d'individualité, ça fait un peu flipper. T'as parfaitement résumé le truc, c'est que un peu comme dans la Matrice, on a peur d'être une espèce de cocon. Quand je parlais des Borg, c'est ça, c'est le collectif qui prime sur l'individu, quoi, en fait. Donc voilà pour les Tripodes. Et moi, je conseille quand même de revoir cette série, même si elle a un peu vieilli. Les effets spéciaux sont pas toujours top. On voit vraiment que les Tripodes sont des maquettes, mais ça, à mon avis, ça vieillit moins que du CGI des années 90, si je peux vous donner un exemple. Oui, ça vieillit moins que le Roi Scorpion, un truc dans le genre. C'est clair, parce que le Roi Scorpion avec l'ami Dwayne Johnson, c'était vraiment horrible. Hein. Mais ça, c'est la partie CGI qu'on développera plus tard. Non, moi, je voulais parler de l'Incroyable Hulk. Parce que j'aime bien cette série, c'est une série culte pour moi, mais quand j'étais gamin, je flippais quand même parce que moi c'est l'anti-verte, ça me faisait peur. Alors, tu te moquais de moi tout à l'heure, mais je dois dire que la façon dont c'était amené, c'est-à-dire que Banner, quand il se transformait, il y avait l'alerte verte, on va dire, il se retournait, puis il y avait ses yeux qui clignotaient, et je dois dire que, étant gamin, j'aimais bien me faire peur parce que je me disais, quand est-ce qu'il va le faire, et puis quand il le faisait, c'était toujours par surprise, et boum, je sursautais. Voilà. Et j'en ai pas le même souvenir. Pour moi, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a fait flipper du tout. Bah, il se transformait, puis c'est marre, quoi. Ça veut dire que j'étais content de le voir, mais jamais ça m'a impressionné, cette transformation, quoi. Non, moi, c'est juste les lentilles vertes qu'ils étaient posées. Mais je te parle pas de la transformation en soi. Quand ils s'arrachaient les chemises et, putain, quoi, le budget chemise chez Banner, bonjour. Le budget aussi, le pantalon qui est toujours juste alors que le mec fait trois fois sa taille. Et il a le même couturier que Okuto no Ken. C'est vrai. Faut rappeler que Ken a son fournisseur officiel de vêtements, hein. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien cette série parce qu'il y avait le héros, c'était Banner, c'était pas Hulk. Hulk on le voyait deux ou trois fois et ça durait pas longtemps. Donc Hulk doublé par Lou Ferrigno. Ouais, Lou Ferrigno, exactement. Et Bill Bixby qui jouait donc le docteur Banner qui devait s'enfuir parce qu'il était poursuivi par un journaliste qui était un petit peu trop curieux et qui veut révéler son secret au monde. Et lui, surtout qu'il croyait que Banner avait tué sa femme, non? C'est ça, il y avait une histoire de meurtre et en fait sa femme est morte dans l'expérience du labo, et lui il a réussi à s'échapper. Il veut non seulement échapper à la police et à toutes les autorités, mais il veut aussi essayer de prouver son innocence, ce qu'il n'arrivera pas à faire malheureusement, parce que de toute façon il peut pas non plus dire qu'il a eu un accident de labo. On convoite aussi quelque part ses pouvoirs. Ça, on le dit pas dans la série, mais on le découvre dans le comics ou dans les films. Même dans la série, on nous explique qu'il fuit pas pour échapper à ses responsabilités, mais par peur de ce que Hulk pourrait faire à ses poursuivants, en fait. C'est ça. Mais bon, quelque part, Hulk, il y a toujours en jeu. Donc, il y a quelques mecs qui volent. D'ailleurs, ces séquences de vol plané, ça rapproche un peu l'agence touriste. Mr. T faisait la même chose. Hein. Il prenait les mecs et il volait à 15 mètres, il n'y avait jamais un mort d'ailleurs dans cette série-là. Bon, alors dans l'agence touriste, il n'y a eu qu'une fois un mort. Bah, ils ont été des militaires au Vietnam, là, c'était pas Lynch de mémoire. Lynch est l'espèce de... C'est un qui les poursuivait tout le temps. Celui qui les traque, ouais. Ouais, à un moment, il arrive à mettre la main dessus, et il lui demande de l'aide pour aller chercher sa fille au Vietnam, et c'est là où le mec meurt en héros. C'est la seule mort de l'agence touriste qui a été accordée par le CSA des États-Unis. Parce que quand ça passait à une heure de grande écoute, fallait pas de sang, pas de mort. Bon, on fait un petit peu une aparté sur l'agence touriste, The A-Team. Moi, je trouvais quand même ça ridicule. Des mecs qui font des vols planés, des tonneaux, mais ils ressortent de leur bagnole, mais ils ont rien du tout. Ils ont même pas une égratignure, quoi, tu vois. C'est... Surtout qu'ils ont vidé 2000 chargeurs, y a pas eu un mort, hein. En plus, avec mais c'était exagéré, cette série, quoi. Elle était sympa, mais exagérée quand même. Mais enfin, c'est toujours mieux que le film qui était quand même pourri. Donc, on va revenir sur l'incroyable Hulk, parce qu'on s'est un petit peu détourné du sujet. Et moi, j'aime bien cette série. Et aujourd'hui, ça ne fait plus d'effet. Mais quand j'étais gamin, ça m'a le fait que qu'il portait ses lentilles, c'était un petit peu ridicule. Mais moi, ça me faisait un peu flipper, quoi. Donc après Hulk, on va parler de Manimal, un autre mec qui se transforme d'ailleurs. Alors ouais, tu me disais que c'était assez glauque de voir ce mec se transformer. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve avec que les c'est effets. Glauque. Alors moi, curieusement, Manimal, ouais, encore le même truc. Ça m'a pas fait cet effet-là. Ça m'a pas impressionné, quoi. C'est voilà, recyclage d'animation, enfin c'était pas de l'animation, c'était des effets spéciaux, c'était toujours le même, hein. Du premier au dernier épisode, c'est toujours dans le même sens, et c'est pas quelque chose qui m'a spécialement fait peur. Bah moi c'est surtout quand il se transforme en panthère, on voit que sa peau elle commence à bouger, que son visage il se modifie, il y avait des beaux plans, c'était pas mal fait, hein, faut avouer, pour une série des années 80. C'était Stan Winston qui avait fait ça d'ailleurs, c'est le créateur de l'Arena Alien et du Predator entre autres. Donc cette espèce de gros plan avec sur le visage et tout, les doigts qui bougeaient là quand il se transforme en panthère. Ouais, par contre quand il se transforme quand il se transforme en aigle ou en serpent ou en requin, c'était un peu bizarre, mais j'aimais bien cette série. Elle a duré longtemps, elle a duré que 8 épisodes d'ailleurs, généralement. Mais c'était assez pauvre au niveau budget parce que cette série assez sympathique avec des acteurs assez sympathiques. Ouais, puis les transformations c'était toujours les mêmes, hein. C'était la panthère en général. Hein. Mais par contre, quand il devenait un aigle, moi j'avais du mal un petit peu à. C'était la panthère, l'aigle souvent, ouais, c'est ça. Ouais, l'aigle, j'avais un peu du mal parce que vu la proportion du mec déjà, il fallait qu'il diminue, je sais pas. C'est un peu bizarre, quoi, je trouve. C'était pas toujours logique, à même un moment, il se transforme en éléphant, quoi. Enfin... Ah oui, ça aussi, ouais. Ouais, le mec il fait 80 kilos, il se transforme en un truc de 5 tonnes. Ouais, c'est à part s'il mange à Burger King du juste avant. Je vois pas comment il fait. Ouais, Mouya, c'était de la magie, un peu comme dans Les Maîtres de l'Univers, t'as la sorcière qui se transforme en faucon, je sais pas quoi. Hein. Je m'en rappelais plus, ça. La reine, c'est la sorcière qui est dans le château de... Château des Ombres. Ah ouais, je m'en rappelle maintenant, ouais, ouais, se transformer en oiseau. Ouais. Donc là, c'était de la magie, on peut comprendre. Mais là, c'est plutôt de la génétique, c'était manipulation de muscles et tout. Et moi, ça me paraissait pas très... Mais bon, on va pas chercher non plus la cohérence dans ce genre de série. Ouais, une bonne, une sympathique série, mais bon. Ça m'étonne qu'il n'y a pas eu de reboot, d'ailleurs, à cette série-là, mais bon. Il n'y a pas eu une version alternative ou de... Non, Manimal, dans les années 80, on a eu beaucoup de séries comme ça qui n'ont pas eu de suite. On a, je sais pas, Manimal, Automan, Tonnerre Mécanique. On a toutes des séries comme ça qui ont fait des one-shots. Les séries plus futuristes, quoi. Quoique, Academy a eu un remake plutôt catastrophique, hein, d'après ce que tu dis. Academy, il y a eu New Knight Riders. Ouais. Bah voilà, quand t'as pas le talent, hein, quand t'es un scénariste à la con et que tu sais pas faire un truc, ta série, elle se casse la gueule. Donc, New Knight Rider, prévu pour 23 épisodes, et je crois qu'ils en ont tourné 12 ou 13, hein, ou un truc dans le genre. Enfin, il y avait plusieurs saisons de prévues, mais c'était tellement bien qu'ils ont coupé tout en cours de route. Est-ce que tu veux nous citer une scène, la transformation de la voiture, par exemple? Ben, la voiture se transformait, par exemple, en voiture de course, donc un peu comme K2000, on va dire, la saison 3, et puis après, elle pouvait se transformer en camionnette, ou en autre voiture totalement différente, voilà, à cause des molécules qui pouvaient se réorganiser. Ouais, en fait, elle se transformait en ce qu'elle voulait. Ça fait Transformers, quoi. Elle se transformait en ce qu'elle voulait, du moment que c'était une Ford. La grosse placement de produit pour une Ford. Le truc bien appuyé, quoi. Oh, ça faisait un peu Transformers, quoi, finalement. Ouais, parce qu'il y a même un moment où, là, c'est Car, c'est plus Kit, qui se transforme en robot. Ah, d'accord, il y a un robot là-dedans. Il y a un robot, enfin, un robot, c'est un robot avec des roues et... Oh là, je suis dormi. C'est un robot avec des roues et qui a pas de pattes, hein, c'est... Il y a une espèce de deux bras, on dirait deux barres en métal, puis c'est marre. Hein. D'accord, ouais, avec ça peut... Avec des effets spéciaux dignes d'un Dragon Ball Evolution. Ouais. Avec des fonds verts dégueulasses. On n'est pas là pour parler de Dragon Ball Evolution, mais là, c'est juste un petit rappel pour notre précédent podcast, Duel de Nanar, n'oubliez pas. Moi je voulais, je sais pas si je vais venir avec une autre série qui elle a eu un remake, c'est V, les visiteurs. Alors moi il y a une séquence qui m'a traumatisé dans ce V, c'est quand Diana avale carrément un cochon d'Inde, quoi. On voit sa bouche qui se, comme ce sont des reptiles, tous leurs membres ça s'allonge, et elle avale carrément un cochon d'Inde tout vivant, et je dois dire que ça m'a traumatisé, cette série. Même quand on voyait des bouts de peau arrachés ou qui mangeaient juste des souris, c'est vrai que déjà rien que là, c'était blerc. Pas terrible, quoi. Ouais, il y avait ces séquences un peu d'horreur, je veux dire. Et en fait, t'apprends que V, quand ils viennent sur Terre, c'est pour se faire un garde-manger, parce que comme ce sont des animaux sans froid, les reptiles, ils sont carnivores, donc ils avalent tout, donc en fait, ils veulent se faire un garde-manger avec les humains. C'est ça le but des extraterrestres. Bah, je me rappelle plus trop de la première série. Moi, j'ai plus regardé la deuxième. Ouais. Qui était horriblement mal tournée, d'ailleurs. Nul. Moi, j'ai pas souvenir. Je sais qu'ils arrivent... Moi, j'étais plus... pour de la colonisation forcée, en fait, comme on a fait avec les Indiens. Hein. On élimine ce qu'il y a sur place et on reste après. C'était ce qui arrivait, en fait, à la fin de la première saison, qui a jamais eu de suite, d'ailleurs. Ça a terminé sur un gros cliffhanger où toute l'humanité a été asservie, en fait. Je sais pas, parce que moi, que j'ai souvenir qu'ils avaient réussi à créer un nuage toxique pour les visiteurs et qu'il y avait quelques zones où les visiteurs pouvaient rester sans risque de mourir. C'est dans la première série, ça, c'est pas dans la version 2009. Non, c'est dans la première série, ça. Ouais, mais tu me parlais de la version 2009. Ah non, la version 2009. Ouais. Il y a eu deux séries et ça termine en autre boudin parce que ils ont pas eu le succès escompté, donc non, oui, c'est ça. Donc à la fin, c'est ça, elle lâche un nuage toxique et ça termine comme ça. On sait pas à quoi il sert, ce nuage. Bah, en fait, ça a servi tout le monde, quoi. Il lâche, une espèce de gaz qui fait que les gens, ils sont complètement amorphes et qu'ils peuvent plus réagir, quoi. Ouais, bah, ça, autant regarder la chaîne Parlement, ça fera la même chose. Hein. Mais comme tu dis, dans l'histoire de l'ancienne série, en fait, ils trouvent une espèce d'antidote de virus pour que les envahisseurs. Les V repartent de leur planète, mais comme il y a trois trucs, en fait, t'as la mini-série en premier, des téléfilms, et il y a aussi la série. Donc il y a trois arcs différents, et là il y a aussi l'histoire de l'enfant stellaire. En fait, c'est une jeune fille qui est modifiée avec des gènes de lézard, je veux dire, et d'humain, quoi. Ouais, et elle a des pouvoirs psychiques. Le premier croisement réussi. Ouais, l'hybride, quoi. Et aussi, ça terminait aussi bizarrement aussi dans cette ancienne série, parce qu'on ne savait pas où ça allait avec l'espèce de leader l'espèce de l'empereur suprême, quoi, des V, quoi. Ouais, voilà, quoi, fait une série bien angoissante, faut avouer, quand même, hein. Surtout les, ouais, je te dis, quand on voyait des bouts de peau d'envahisseurs bien dégueulasses, ou ouais, quand ils bouffaient des souris, j'avais toujours un petit malaise quand ils bouffaient des souris, des cochons d'Inde, enfin tout ce que tu voulais, quoi. Il faut noter dans le rôle d'un extraterrestre gentil, c'était Robert Englund, donc le futur Freddy Krueger des Griffes de la Nuit, quoi. Donc, c'est un bon acteur, hein, il s'est tourné du angoissant et du un peu moins angoissant. Ouais, bon, des fois il fait beaucoup de navets, mais bon, Freddy c'était pas mal. Enfin, toi tu regarderas pas parce qu'il y a beaucoup de scènes gore. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tous mes séries un peu angoissantes de l'âge de jeunesse. Est-ce que t'as des choses à rajouter Bah non, moi j'ai rien à rajouter là-dessus. Si, peut-être dire que voilà, il y a des trucs qui nous ont angoissés qui c'était prévu pour. Moi, je sais pas. Je pense que le fait de faire manger aux visiteurs une bestiole, ça devait être spécialement fait pour être choquant. Je pense pas que ce soit pour la jeunesse, quoi, comme série. Voilà, je pense pas que ce soit pour la jeunesse. Après, voilà, des méchants qui sont angoissants comme Joe l'Indien. Je pense que c'était fait pour créer un petit côté angoissant. Et après, est-ce qu'il y a des trucs qui étaient faits pour être angoissants, genre Gigi qui se fait écraser par un camion ou Princesse Sama quand on dit Sarah, quand on dit ton père est mort, va faire le ménage et ferme ta gueule. Hein. En gros, c'est ça. Après ça va, j'ai résumé tous les épisodes. Ou alors Téléchat, qui là m'a fait bien flipper et qui, je pense pas, partait pour. Enfin, nous on en a un number one, moi c'est Ulysse 31, quoi. Ah, Ulysse 31, c'était angoissant pour une bonne raison. Hein, montrer la toute-puissance des dieux, en fait. Hein, puis montrer que. On te montrait quand même à l'époque un truc qui était pas banal, c'est-à-dire que t'es pas maître de ton destin. Ouais, c'est l'allégorie même de la mythologie, quoi. Les dieux sont toujours au-dessus. Attention, on n'est pas dans Percy Jackson. Non, mais c'est ça. C'était exactement ce que l'Odyssée d'Homère racontait. Dans l'Odyssée d'Homère, je sais plus comment il retrouve. Le chemin, mais je sais que il était toujours dépendant, soit de la chance, soit de son talent, et puis ben ses compagnons mouraient quand même les uns après les autres, hein, donc. Ben à la fin de l'Odyssée d'Homère, le destin des compagnons est différent parce que Ulysse rentre tout seul à Ithaque. Et il doit passer une épreuve pour justement prouver qu'il est le vrai Ulysse, pour retrouver Pénélope, et en fait ça termine un peu dans un massacre une fois qu'il retrouve sa place de roi. Ah bah une fois qu'il retrouve sa place de roi, les prétendants, il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Il n'y en a plus, hein, il n'y en a plus même. On voit d'ailleurs, il y a un parallèle, il y a un épisode où Ulysse rencontre Ulysse. Où justement, l'Ulysse du 31e siècle, il aide le Ulysse mythologique à retrouver sa place au sein d'Ithaque. Très bon souvenir, des souvenirs un peu moins agréables de certaines séries, mais dans l'ensemble, on a passé une jeunesse intéressante à découvrir des œuvres intéressantes. Voilà, là on s'est concentré que sur l'anxiogène. Ouais. Mais même dans l'eau là qu'on a raconté, il y a quand même des trucs. On est content de les revoir parce que on a eu besoin de recul pour apprécier l'œuvre. Je pense que si je devrais re-regarder comme maintenant tous ces trucs-là avec un œil neuf, je pense que ça serait moins anxiogène qu'à l'époque. Ouais, mais Téléchat, tu le regarderais pas quand même. Alors Téléchat, ouais, quand il y a les personnages, ouais, ça devient un peu plus compliqué de regarder. C'est un maître du rameau qui dit Teddy, regarde-moi. Mais comme je te disais, on fera un spécial série animée de science-fiction. Mais va falloir parce qu'il y a quand même pas mal de séries animées de science-fiction qui ont pu nous forger dans ce qu'on a regardé. Moi, je vais partir sur les exemples du Marvel Cinematic Universe. Ouais. Je suis pas sûr que j'aurais accroché autant si j'étais pas fan des X-Men dans les années 90. C'est ça. Mais moi, j'aurais pas aimé Star Wars s'il y avait pas, eu Capitaine Flamme, Goldorak ou Albator, quoi. Qui sont vraiment le trio de tête, quoi, pour moi. Je pense qu'on a, on a exploré un beau panel et qu'on vous aura apprécié ce petit programme, quoi, ce petit hors-série. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.